pensée pour mon père et ma mère. Je rêve de me poser, d'avoir un pied à terre. Une pensée pour ma peine à la lueur de l'aurore, que je rêve de voir pendue au bout d'une corde. Mon cœur, ma foi, ma voix me dit d'être sans couleur. Ma vie, mon rap, ma joie me dit d'être sans couleur. Signature atypique, notre identité s'exprime. Une pensée pour nos textes qui encaissent nos déprimes. Une histoire qui s'écrit pour deux passionnés. Une histoire qui se crée pour une passion qui est née. Rime au mic, une pensée inattendue s'installe. Une voix d'ailleurs et une sincérité qu'on déballe. Ma dignité, je la brandis, le poing levé. Au détour d'une rime, j'en pénis ma fierté. L'écriture m'appelle, je fais en sorte que les vibes abondent. On risque de devenir un véritable vagabond. Qui guide ma plume, ma pensée? Qui guide mon âme, nos pensées? Qui guide nos états d'âme? Ces pensées dans lesquelles on se noie, mais dans lesquelles j'y ai trouvé ma voie. Ma pensée, celle qui guide ma foi. Une pensée à ma mère, qu'elle soit louée Seigneur. Elle qui s'est toujours battue pour nous, c'est pour elle que je me mets à genoux. Alaja, belle mama Africa, toi qui m'as donné cette envie de vivre, cette envie d'espoir, cette envie de voir. Oh, oh, oh. Mon peuple retrouver un jour sa dignité, la différence qu'elle vient nous signifier. Enfin du monde, je voulais dire ma pensée, car ils ont fait la force et nous permet d'être soudés. J'ai décidé d'être sans couleur pour pouvoir vous parler de mes valeurs, pour aspirer à mon meilleur. C'est ma pensée qui guide ma plume, ma pensée qui guide mon âme, nos pensées qui guide nos états d'âme. Ces pensées dans lesquelles on se noie, mais dans lesquelles j'y ai trouvé ma voie. Ma pensée, celle qui guide ma foi. Si j'ai décidé d'être sans couleur, c'est pour être plus proche de mon cœur. Aimer de vivre dans un monde meilleur, et ne plus marcher sur mes propres erreurs. Mon cœur me dit d'être sans couleur, ma foi me dit d'être sans couleur. J'ai décidé d'être sans couleur. Les yeux rivés sur mon avenir, la tête sur les épaules, les pieds sur terre et un cœur pris pour cible. Jamais le genou à terre, mais le torse bombé. Mes textes dans les nuages et on flotte sur des c'est pensées. C'est ma pensée qui guide ma plume, ma pensée qui guide mon âme, nos pensées qui guide nos états d'âme. Ces pensées dans lesquelles on se noie, mais dans lesquelles j'y ai trouvé ma voie. Ma pensée, celle qui guide ma foi. C'est ma pensée qui guide ma plume, ma pensée qui guide mon âme, nos pensées qui guide nos états d'âme. Ces pensées dans lesquelles on se noie, mais dans lesquelles j'y ai trouvé ma voie. Ma pensée, celle qui guide ma foi. C'est ma pensée qui guide ma plume, ma pensée qui guide mon âme, nos pensées qui guide nos états d'âme. Ces pensées dans lesquelles on se noie, mais dans lesquelles j'y ai trouvé ma voie. Ma pensée, celle qui guide ma foi.